voilà funeste. Et ses rimes taillées 9 mm, paré pour la compète et la conquête. Avec mes compères, au style, au strass et paillettes. C'est du CO, sans merlette avant de vous la mettre. Vas-y, arrive, mind-toi, enclenche rec. Sinon, le morceau va te filer entre les doigts, mec. Mec, annonce pas de date pour te voir en sale état d'attente. Comme un dieu qui s'en coque, au regard glauque. Gros retour, y'a pas de galère. Trop de lyrics en stock, c'est pour mes braves. À la situation triste dont on se moque. On attend votre retour avant de faire péter le disque. Comité, seul le noyau est resté. HF de Lille, FUNEST. Ça flippe quand ça parle de bastos. HF, l'association est prête et les disques se compressent. FUNEST, la transition s'amorce ici du COMIT. Des contre-expertises, okay, okay. Voilà que le mensonge pisse des grosses vérités tristes. Ici les troupes se forment, du rap lourd et des gros bonhommes sans uniforme. Minute par minute, des frères et l'écriture facile, okay. Des rimes et des sous, un truc bas, ça pète, écrit HF, c'est tout. Des disques et des retours, encore l'équipe et le rap se chie dessus, court. Et c'est du concret. Comité Ferrari alors, tu veux de bons couplets. À chaque apparition c'est hors norme, ok. Demande à ceux qui ne croient pas en nous, te faire mettre par un de nous. Y'en aura pour tout le monde, du Condé au RG, même sur écoute. Pas de censure, toujours à jeu. Des fois, on veut nous décourager, mais trop hargneux, trop hargneux. Leur mentalité, parler nos QG et son taux de mortalité. Féliciter l'ami lorsque vient une natalité. Crime, crime, haine, arme, paix, amour et vérité. Et citer à chef lève du comité mentalité. Parler nos QG et son taux de mortalité. Féliciter l'ami lorsque vient natalité. Rime, crime, haine, arme, paix, amour et vérité. Et citer à chef lettre du comité. Pendant que je fais pas un jeu et que gêne dans les paroles et gêne, je frappe instru, intrus, je suis détenu dans le hip-hop qui mue. Pendant que je nous calcule, ils s'enregistrent, tu remarques en micro, tu en TT. Je veux plus de bling bling que Mr. T. TT. Le sein de la vie est à la chasse de l'audi, mais pété. Ma rime shoot et paie le loyer du hip-hop à vie. Et v'là le doyen, Zoulou, perds pas mes moyens, Zoulou. Et je me guide, le vite, vite, ma peau prend des rides, des rixes trop fraîches. Et compte en bancarie, d'esprit à vie. De gloire et vite, vite ton sac, ma voix est pressée. Sur disque, et puisque je piste la liste des meilleurs tests, même pas le mec plein de risques. F, de l'île d'artiste, en 5.1, 500 son éveil et 1. Prends la maille et 2, pour mon 9-2. Unification, tu reconnais les C, ces mecs en faction. Ça sent la création, HF, funeste, les bastos dans les chambres. Ça tire et toutes les putes tremblent. Zone 0 délimitée, thème illimité. Tu sais comme comité, connard. V'là la transition, okay, okay. Le texte et nos positions, mec. Encore du HF. On parle de B, arme de guerre O, M, C, R, O, O, B. Des enjeux, des portes à défoncer. Le C en faction, des rimes crades et c'est pour bientôt. Qu'est-ce que t'as cru, vu ou lu en rue, t'as vu HF de l'Iflesse détenu dans RAP de rue, dans RAP cru. C-O-M-T. Nos mentalités, parler nos QG et son taux de mortalité. Féliciter l'ami lorsque vient une natalité. Rime, crime, haine, arme, paix, amour et vérité. Et citer HF lève comité mentalité. Parler nos QG et son taux de mortalité. Féliciter l'ami lorsque vient natalité. Rime, crime, haine, arme, paix, amour et vérité. Et citer HF, lettre du comité.